96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ça c'est lui passé. J'ai creusé de la montée pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer, de passer mes peines. Non, rien ne changerait, c'est des peines. Non, non. Ça y est, j'en ai assez, assez de la montée. Je l'ai passé, passé. C'est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleines. Non, j'ai bien essayé de changer, de passer mes vêtements. Qu'un changerait ces événements. Ça y est, j'en ai assez. Passé de la montée, je l'ai passé, passé. Pour tout recommencer, me libérer. Je décide de prendre la vie du bon côté. Ça y est, j'en ai assez. Passé de la montée, je l'ai passé, passé. Pour tout recommencer, me libérer. Je décide de prendre la vie du bon côté. Je veux le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. Votre réveil matin, c'est Francky. Allez, Roncel, bonjour et bon réveil. Il est 7h04. On vous souhaite une très bonne journée, peut-être sous la douche encore, ou alors dans la voiture avec sur le taf ce matin. On est le 15 septembre et côté météo, on va faire un point dans quelques minutes. C'est vraiment pas terrible, hein. Ça devrait s'améliorer normalement demain. Et puis du son, soleil pour bien démarrer cette matinée avec Felices Lo Castro et Malou Marcé sur Radio Roncel. Bonne journée et bon réveil. Rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, r

7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. C'est vrai que ça sent bientôt Noël. 7h16 en direct à la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio et puis il sera notre invité tout à l'heure vers 8h20, 8h30. On va parler justement de ce 10e festival de Loire du 22 septembre au 26 septembre avec Jean-Pierre Gabel qui sera dans les studios de la radio Arc-en-Ciel, conseiller départemental de Loire et canton 1, conseiller municipal délégué d'Orléans, notre invité aujourd'hui. Pour nous parler de ce beau festival, 200 bateaux, 700 mariniers, 450 artistes, 150 animations festives, plus de 750 000 visiteurs sont attendus, bien sûr, avec le pass sanitaire obligatoire. On va voir s'il y a des difficultés ou pas, on en parlera tout à l'heure avec lui, notre invité dans les studios de la radio Arc-en-Ciel vers 8h20, 8h30, et puis le meilleur des souvenirs avec Mark Watson, Uptown Funk, c'est sur la Arc-en-Ciel. Bon réveil! Don't believe. Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Hot call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band brought up that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freaky and own it. Don't brag about it, come show me. Dance, jump on it. If you sexy and flown it. What a Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Hop 10 funk around. Hop 10 funk. C'est bon ça le matin pour vous réveiller. 7h20 minutes en direct à la radio avec Mark Ronson et puis Master KG, ils reviennent en force. Hein. Juste après Jérusalem, et bien voici leur nouveau hit sur la française Dibouya Limpopo. C'est le nouveau Master KG. C'est déjà sur la radio arc-en-ciel. But Aprendo a que cosa por tu corazón que si la la la la la la la la la la la la la Papa, c'est rigolo ça. Master KJ, le nouveau après Jérusalem, le retour en force. On est bien avec vous ce matin, réveil 7h24 minutes dans la radio. Et le spectacle de la passerelle, hein, ça redémarre, ça y est, le 17. On vous en parle tout de suite en direct à la radio. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Ah ouais, les bons plans de la passerelle, ça va se passer le vendredi 17 septembre à 20h30 à l'espace Jean Cocteau. 1h20 de spectacle avec le cas Pucine, l'histoire d'un dragon vert et une jolie blonde, un spectacle plein d'humour à partir de 10 ans pour les enfants. À ne pas rater surtout cette belle date, vendredi 17 septembre à 20h30, espace Jean Cocteau, cas Pucine, le dragon vert et cette jolie blonde. D'aller voir plein d'humour, plein de spectacles moderne sur scène, n'hésitez pas à vous rendre. Donc ça se passe à la passerelle, une belle salle de spectacle du côté de Fleury. Les Aumrais, Alexandre Figo qui arrive sur votre radio couleur. On vous souhaite une très très bonne journée, bon petit déj à vous et courage, hein, si vous allez bosser. La météo c'est pas terrible aujourd'hui, mais bon, on est là avec du son caliente. Que tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Me ando con los tigueres a cuarta. Tengo todo y tengo la vaca. Las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Nunca para, se desentó en el mundo. le gusta un tin, se le mete todo todo porque sofoca el king. Subí por aquí, como no está, solo le falta el mix. Dale mami que esta noche yo te invito, pa' que te quede aquí rico. Cuando mueve todo y que mueve lo que ella mueve la cabeza, con mucha destreza le robe y el show. Así, así, así. Modela tu cuerpo con pase mi mambo. Que cuando tú bailas tanto, la noche es perfecta, de rumba buena. Así que muévelo, muévelo, que no pare la fiesta. Allez, avancez, le 7h29 minutes avec Alex Intensego, le son caliente. Pour vous sortir du lit, peut-être encore là, sous la douche ou alors au petit-déj. Bon réveil à tous. Aujourd'hui, on est le 15 septembre. Il est l'heure, monseigneur, d'aller travailler, puis l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, c'est oui, c'est maintenant et ce sera pas demain. On démarre avec les béliers. Vous serez très à l'aise pour exprimer l'étendue et la profondeur de vos sentiments. Vous ne vous laisserez pas impressionner par les émotions fortes que vous ressentirez. L'horoscope des taureaux. Les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez surtout pas. Les gémeaux, prenez le temps de vivre et de consolider des relations jusque-là superficielles. Les cancers, voilà, les meilleurs. N'hésitez pas à déclarer votre flamme à la personne de vos rêves. Ah oui, pas de bagou. Et votre charisme sera là. L'horoscope des lions. Si vous n'y prenez pas garde, une certaine monotonie pourrait s'installer dans votre couple. Les vierges, célibataires ou pas, ah tiens, vous serez tenté par des rencontres secrètes et des propositions inattendues aujourd'hui. L'horoscope des balances. Vous vivrez une belle journée de tendresse et de complicité. Ça s'annonce bien plutôt pour les balances. L'horoscope pour les scorpions. Serait-ce Noël aujourd'hui? Ah, peut-être. Votre anniversaire, celui de votre mémé ou de votre toutou adoré. Vous baisserez votre garde et serez prêt à faire des concessions. Les sagittaires en famille. La routine qui s'installe n'est pas faite pour vous déplaire. En couple, après l'orage, le calme revient et les réconciliations seront particulièrement tendres. L'horoscope pour les capricornes. Vous apprécierez les contacts, les sorties et autres rapports avec vos proches. Les Verseaux, que vous soyez célibataire ou en couple, votre sensualité va reprendre le pouvoir aujourd'hui. Les poissons, pour terminer, vos sentiments se renforcent et comme ils sont partagés, vous pouvez espérer une très belle histoire d'amour. Ah, l'amour, toujours avec Lento qui arrive sur Radio France. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez passer un petit message, bien n'hésitez pas. 7h31 minutes avec DJ Lux qui remix Lento, c'est sur la radio couleur. Hasta que va a salir el sol. dueña de mí. Que me pierdo en tu cuerpo, que me hago tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos que te lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, quédame de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Dame lento así con todo sentimiento. Cántame mi mano de ley lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta el viernes a salir el sol. Estás en un solo cuerpo, bailando lento. On adore DJ Alex, Daniel Santa Cruz avec Lento. Votre radio couleur, la météo aujourd'hui, le sel, on vous en parle tout de suite, n'est pas terrible du tout, du tout. La météo. La météo pour aujourd'hui, ce mercredi 15 septembre 2021. Le ciel est plutôt couvert ce matin avec quelques gouttes de pluie. Les températures au lever du jour, 14 degrés. Nuages, pluie, c'est le programme de cette journée. Et on ne dépassera pas les 23, 24 degrés. Daddy Yankee qui arrive, ça c'est pour le son Latina. Et puis le Rayos del Sol surtout avec l'Oque Paso. Et puis juste avant, sur les Mentes. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Suave, suave, cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you do to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Kiss me softly, you're all that I need. Now I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change. Don't hurry now, let me feel your soul. Kiss me a little bit, suavemente, so I need it. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Besamos otra vez, suave, quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, besa, suave, besa un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa, suave, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, Elvis Crespo, ça c'est les débuts du son latino. Bah ouais, on se souvient. Eh, plus de 17 ans pour ce morceau quand même. Solemnemente. On adore sur la radio Couleur au redéplace. C'est Funky dans la radio. 7h40 minutes en direct. Merci à vous d'être là. Merci à Stéphane Lemoine qui m'a dit c'est bon, je suis prêt, tu peux commencer ton émission. Salut Steph. En direct. Et le matin, ça fait vraiment zizir. Malgré la météo qui est plutôt pas terrible ce matin, on est là avec le smile pour vous donner cette bonne humeur au réveil. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hey, si vous avez de la thune à dépenser, bah ça tombe bien parce que Apple, la marque la pomme, je voulais pas le dire, mais tant pis pour moi, sort le 4 nouveau iPhone 13 le 24 septembre. Le tarif, ça va être simple, hein, entre 800 balles et 1839 €. Donc si vous avez un peu d'argent à dépenser en ce moment, eh bien la marque la pomme sort le nouveau iPhone 13, il y en aura 4. Ouais, c'est pas donné hein, quand même. Hein. Je sais pas, est-ce que vous êtes prêt à mettre 2000 balles dans un portable? Eh bien appelez-moi, tiens, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard pour vous nous joindre. 02 38 43 48 00. Et puis toujours le son latin, le son caliente avec des lions qui loque paso, c'est sur la radio Couleur. Ok, passo, on est avec vous dans la radio, 7h43 minutes, c'est bon, vous n'êtes pas à la bourre? Bah, nous non plus, on est bien. Et ouais, ça me fait zizir de vous retrouver le matin comme ça, avec le son caliente. son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis le coronavirus qui est en baisse en France, ça c'est une bonne nouvelle quand même, avec 577 admissions en 24 heures. 9739 personnes atteintes du Covid sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux français contre 9986 la veille. C'est la bonne nouvelle, on est passé en dessous de la barre des 10 000. Voilà, on va vers la progression. Et c'est vrai que ça fait plaisir, et vivement qu'on supprime ce pass. Ah là là, le pass pour les restos, pour les bars, pour les boîtes, enfin pour tout le monde quoi. On est heureux d'être là. Il y a Bruno Carvalho qui est là. Salut mon Bruno. On fait quoi de lui? Bah toi, on fait ce que tu veux. Il m'a envoyé une petite photo d'un ami. Sympa. Alcino qui est là. Bonjour, c'est quoi la dernière musique? J'ai envoyé le titre, c'est Elvis Crespo, mon ami. Soir Lemente. Merci, bonne journée Alcino. Merci à vous d'écouter Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes de plus nombreux sur la région d'Orléans. Et ça me fait vraiment plaisir. Là, je vais penser à tous les anciens qui nous écoutent. Bah oui, il en faut. Avec ce ténor qui nous a quitté il y a bientôt 10 ans, Barry White, avec Let the Music Play. Quel titre! Voici Monsieur Barry White sur la radio couleur. Let the music play. Alcino qui est là. Salut Alcino, salut Stéphane. Bruno Carvalho aussi au Portugal, en force. Ça fait plaisir de tous nos amis portugais qui nous écoutent. Et Bandi, hein, la flamille, la planète. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bah ouais, c'est Francky dans la radio. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Dès 7h, on vous sort du lit, au petit-déj, peut-être faites gaffe, soyez prudents sur la tangentielle. Bah ouais, cette fameuse tangentielle toujours bouchée. S'il y a pas mal de petits ralentissements, bien n'hésitez pas à nous appeler. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. On vous souhaite un bon petit-déj. Courage à ceux qui vont bosser du côté de Saint-Y. On salue Joël et Olivier. Et puis monsieur Bruno Carvalho, tous les chauffeurs libres du PS qui nous écoutent, ça fait plaisir. Hoje acabou, tudo passou. Já tentei explicar-te de todas as maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Acabou. Eu vou me embora, baby, é o melhor pra mim. Eu não consigo mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Yeah, já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu, baby, já disse que não quero, não quero mais ficar aqui. Ficar aqui foi bom enquanto durou, baby, mas hoje acabou, tudo passou. Hey. J'ai décidé, on adore sur la radio couleur. Salut à Stéphane qui nous écoute, salut à Elodie aussi du côté d'Olivet. Belle journée Francky, merci de nous mettre un peu de soleil, ça fait du bien. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui franchement le soleil il va être carrément pas là. Bah ouais, c'est comme ça. Puis le meilleur des souvenirs vacances peut-être pour vous qui rentrez de vacances là. Ah, le vacances, c'était bien ça. Holiday, la Madone. Quel tube planétaire, celle qui avait dansé derrière Patrick Hernandez avec Born to Be Alive. Voici le bon souvenir des années 80 et c'est Holiday sur Radio Arc-en-Ciel. souvenir interplanétaire, ça, pour ce titre Madonna avec le meilleur des vacances, bien sûr. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Ça y est, la reprise du boulot pour vous, peut-être aujourd'hui. On vous souhaite une très très bonne matinée, un bon réveil, une bonne douche, un bon petit déj. Et courage à vous si vous êtes sur la tangentielle, ça bouge un petit peu. Vas-y, souffle, mi amor. Ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes, tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, tu vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. J'avais juré fidélité. Bohème, mais quand t'avais raison, c'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumis, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Mais dans la nuit, je vois que j'ai souri. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. J'aimerais te embrasser, tu me dis que ce n'est pas assez. Je marche derrière elle, son doux. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que c'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Ouais, sauf les bougies par exemple, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bientôt 8h en direct à la radio, il sera notre invité dans quelques minutes, ce sera vers 8h20, 8h30, ouais, quelques longues minutes. Jean-Pierre Gabel, bah oui, c'est la 10e édition du Festival de Loire du 22 au 26 septembre. Tous les marins sont là, 200 bateaux, 700 mariniers, 450 artistes, enfin plein de belles choses. On en parlera avec lui en direct à 8h30, 8h20 même à la radio. Et puis du son qui arrive avec le remix de Despacito, c'est sur la radio couleur. Belle journée, courage à vous sur la tange. Ouais, ça glisse, faites gaffe. antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Avec la reprise de Nick Jen and Marvin en 98, Follow the Leader par Edelham. Suivez-nous ce matin, bah oui, jusqu'à 9h. Et puis notre invité qui arrivera vers 8h30, Jean-Pierre Gabel, sera dans les studios de la radio pour nous parler des 10e édition du Festival de Loire du 22 au 26 septembre. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 96.2 FM, c'est la fréquence du matin sur la route du boulot, peut-être pour vous. Heureux d'être avec vous, c'est Francky. Et puis le meilleur des souvenirs, ça nous rappelle le son des bizarres à l'époque. Bah ouais, Edouard Mayen avec Fair Love sur la radio couleur. Des bons moments comme ça au soleil, au bord de la plage peut-être, enfin de siroter un verre sans alcool, bien sûr le matin, tout le matin, ouais, c'est important. Et la manette, ça arrive, c'est Nicky, amoureux d'être avec vous dans la radio, c'est Francky. 8h en 8 minutes, on est en direct, et puis le meilleur son latina. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia pinto tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que el que trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Es una porquería. dice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo. 8h11 minutes sur la radio couleur 96.2 FM. Et demain en exclusivité, Fabien Dubas sera là, notre journaliste chroniqueur pour les bons plans, les sorties sur la région. On parlera bien sûr encore du Festival de Loire. Il sera notre invité dans quelques minutes, c'est Jean-Pierre Gabel. Et puis demain, l'exclusivité, le nouveau collectif métissé qui sort demain, le nouveau clip. À 7h05, on sera en direct depuis Bordeaux avec Somariba, le leader, le superman du collectif métissé. 7h05, ne ratez pas ce rendez-vous collectif métissé en direct sur Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter le nouveau clip Vida Loca. Et puis le nouveau single extrait de l'album Dancer Latino. Donc ne ratez pas le rencard demain, 7h05 en direct, le collectif métissé. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est funky. C'est bien et puis de la douceur pour vous calmer, vous qui êtes énervé sur le bord de la route là. Ah si, I Love Me, c'est de la kiz. La kiz en bas, ouais, comme ça, le matin, funky le réveil. I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. But I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, numb on my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Even when I lose and win, cause I give you all. My rhythm and blues, I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, numb on my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. Cause I give you all. Bien de vous retrouver le matin, le meilleur des souvenirs qui arrive avec un groupe que vous adorez, c'est la radio couleur qui a cartonné d'ailleurs et qui cartonne toujours, des Obaz Tank avec The Reason. Bon courage pour ceux qui vont bosser ce matin et puis coucou à tous les enfants qui n'ont pas d'école aujourd'hui, bah ouais ça fait plaisir, il hein. Faut les garder, il faut aller chez la nounou par exemple. Voici les Obaz Tank, The Reason sur la radio arc-en-ciel. Things I wish I didn't do. before I go. Sur la radio couleur 96.2 FM, Best Tank avec The Reason. La météo. La météo aujourd'hui, le ciel est couvert et nuageux ce matin avec quelques gouttes de pluie. Malheureusement, ça va durer quasiment toute la journée. Les températures, il fait chaud, il fait lourd, moins de 14 degrés et on dépassera quand même les 22, 24 degrés. Ça, c'est le ciel qui ça. Mais normalement, ça devrait s'arranger normalement jeudi et vendredi. Samedi, un petit peu de pluie. Et la semaine prochaine, ça va être mitigé, dansa tout l'été. Un tube sur lequel on a dansé il y a 8 ans déjà, ça passe. Ouais, Jenans sur la radio couleur. We'll be right back. main et viens danser. On a qu'une vie, faut profiter. Loin d'ici, on va s'évader. Ok. Bébé, bébé, tous les deux, on va s'envoler. Le grand air, on va respirer. Accroche-toi, ça va décoller. Partage pas. Ce soir on va se lâcher, musique ensoleillée, s'évader en criant lélé. Oh lélé, ce soir on va chanter, les refrains ont gagné, tous ensemble en chantant lélé. Lélé, lélé, danza lélé, lélé, anda cantar conmigo, anda bailar conmigo. Lélé, lélé, lélé, danza lélé, lélé, anda cantar conmigo, anda bailar conmigo. Accro quand je la vois, elle a l'élégance et le style qui me va. Je vais vers elle à petits pas, pour tenter ma chance, je la veux avec moi. Barouille, oh lélé, ce soir on va se lâcher, musique ensoleillée, s'évader en criant lélé. Oh lélé, ce soir on va chanter, les refrains ont gagné, tous ensemble en chantant lélé. Cantar conmigo, anda bailar conmigo. Lelelelele, danza lelelele, anda cantar conmigo, anda bailar conmigo. La lele, ya c'est la folie, on va danser, danser toute la nuit. La vie est si belle, tout c'est pris si joli. Mouvement à gauche, droite, sous sexy. Oh, man, man, man. Lelelelele, danza lelelele, anda cantar conmigo, anda bailar conmigo. Lelelelele, danza lelelele, anda cantar conmigo, anda bailar conmigo. Allez, français, le meilleur des souvenirs latins, hein, il y a 8 ans, ouais, ça passe, hein. Jonas danse ça tout l'été, ça fait du bien, et puis ne loupez pas ce rendez-vous demain, 7h05, ils seront avec nous en direct depuis Bordeaux, le collectif métissé, d'ailleurs, on va les écouter, avec leur nouveau single qui arrive demain en exclusivité, promis, et là, il y a l'avant-dernier, mais demain, on aura le tout nouveau Vida Loca, son Arriba, le leader, le superman du collectif, sera depuis Bordeaux avec nous au téléphone pour nous parler du nouveau clip qui arrive demain. Alors, il sort en France demain à 6h30 et on l'aura en direct à 7h05 sur Radio Francelle. Ça, c'est du lourd. Et ben voilà, du lourd, le collectif métissé. L'avant-dernier titre qui cartonne toujours, Danza Latino. Et puis demain, Vida Loca, ça sera le nouveau en direct sur la Radio Couleur. Le collectif métissé. Danza Latino. Tu me dis que allez viens on va manger. Tu me dis que veux t'éclater, allez ta liberté. Tu me dis que allez viens on va chanter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es una fiesta loca, danza latino, caliente cubo, tu le mole beba, es una fiesta loca. manos al asilo, caliente tu mundo y que viva la vida, es una fiesta loca. Manos al asilo, caliente tu mundo, tu nuevo me lleva, es una fiesta loca. Danza Latino, ils seront notre invité au téléphone demain. Ne ratez pas ce grand rendez-vous, 7h05, le collectif Métissé en direct à la radio. Dis-moi si c'est vrai, la rumeur dit que tu t'es posé, qu'avec un autre tu as pu m'oublier. Dis-moi tout, je veux savoir. Écoute-moi, je n'ai jamais réussi à t'effacer. Je n'ai plus de repères, j'ai perdu pied. Je survis sans vraiment vivre. Je suis plein de regrets. Oh, pardonne-moi s'il te plaît. Prêt à tout pour me racheter. Oh non, je suis plein de regrets. Oh, pardonne-moi s'il te plaît. Dis-moi quoi faire, je le ferai. Oh, c'est moi sans toi et toi sans moi. Dis-moi si tu peux être heureuse alors que moi ça ne va pas. Alors que moi ça ne va pas. C'est moi sans toi et toi sans moi. Dis-moi si tu peux être heureuse alors que moi ça ne va pas. Alors que moi ça ne va pas. Moi sans toi, ça n'a pas de sens. Tu baisses la garde pour te dire tout ce qu'au fond je ressens. Et même si tous autour t'ont dit que je n'étais pas bon, veux-tu tu me crois quand je te dis pardon. Suis ton cœur, il a toujours raison. Je suis plein de regrets. Oh, pardonne-moi s'il te plaît. Prêt à tout pour me racheter. Oh non. Je suis plein de regrets. Oh, pardonne-moi s'il te plaît. Dis-moi quoi faire, je le ferai. Oh, oh, oh. C'est moi sans toi et toi sans moi. Dis-moi si tu peux être heureuse alors que moi ça ne va pas. Alors que moi ça ne va pas. C'est moi sans toi et toi sans moi. Dis-moi si tu peux être heureuse alors que moi ça ne va pas. Alors que moi ça ne va pas. Allez, on s'est en direct 8h30 minutes pile poil. Hein, on est heureux de vous retrouver au réveil. Merci d'être aussi nombreux le matin à nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on va parler dans 3 minutes justement de cette 10e édition du Festival de Loire du 22 au 26 septembre. C'est à Orléans, le plus grand rassemblement fluvial. 200 bateaux, 700 mariniers, 450 artistes, 150 animations festives et du monde. Et puis pour nous en parler dans moins de 3 minutes, c'est Jean-Pierre Gabel qui est notre invité dans les sous de la radio. Dans moins de 3 minutes en direct. Ne ratez pas, c'est merveilleux. Il vient juste d'arriver, pas de café pour Jean-Pierre, tranquille, il est là dans les studios, on va l'accueillir. 8h35 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air en jouait comme ma princesse. Stress de voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress de voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. Je suis venu sur une plage étoilée. de t'observer danser, l'air détaché, les yeux brillés, un corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, plier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, plier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui, sans faire de bruit, un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, plier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Et tes stress te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Sur les soleils brûlants de l'océan Indien, on dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. Radio Francilien en direct, 8h32 minutes. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Vous êtes nombreux à nous écouter sur la tangentielle. C'est avec, ça roule très mal, c'est ce qu'on nous dit hein, sur les réseaux sociaux. Et notre invité qui vient d'arriver dans les studios, on l'accueille tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et oui, l'invité du jour du 22 septembre au 26 septembre, c'est le 10e anniversaire, le Festival de Loire. Hein, quel beau festival. Et pour nous en parler ce matin, notre invité star, je dirais, je crois que c'est une des premières fois qu'il vient sur Radio Arc-en-Ciel, Jean-Pierre Gabel, conseiller départemental de Loire et canton Orléans, un conseiller municipal délégué d'Orléans. Bonjour Jean-Pierre Gabel. Bonjour, bonjour. Simplement une petite rectification. Ah ouais. Je suis venu déjà il y a très longtemps. Il y a longtemps alors. En 2001. Ah bah oui, avec Radio Mary Poppins. Ah, tu travaillais à Je travaillais pas, mais je suis venu, j'avais été invité par un ancien ami, Gérard Gascoin. Ah, d'accord. Qui était à l'origine de la radio. Alors, Radio Mary Poppins, pour l'histoire, je crois que c'était la radio de la République du Centre, je crois, à l'époque. Non, c'est pas ça? Non? Ça a été racheté, moi. Eh ben, c'est vrai que c'était anciennement Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Alors, ça date, 2001. Ah, là là, oh là bah, là, tu m'as scié l'herbe sous les bras. En tout cas, un beau festival qui arrive, Jean-Pierre, c'est la 10e édition du Festival de Loire. Ça va se passer du 22 au 26 septembre 2021 sur les bords de Loire. On attend du monde. Alors, malgré tout, malgré le protocole sanitaire, comment on s'organise justement pour organiser un grand festival? Parce qu'il y aura le pass qui sera obligatoire, ou le test PCR 72 heures. Plein de choses vont être mises en place. Ça va se passer comment? Alors, l'organisation pour en parler avant de parler du festival, justement. Le pass obligatoire, bien évidemment, et également le masque. Et oui, le masque, voilà. Le masque, et puis pour les personnes qui éventuellement viendraient avec d'autres personnes, mais qui ne sont pas... qui n'ont pas leur vaccin, ouais. On a une tente qui sera installée au niveau du quai du Rouen, mmh. Sous le pontinat, et ils auront la possibilité de se faire tester, et dans la demi-heure, ils auront leurs résultats et pourront rentrer sur le site. Oui, c'est vrai, parce que c'est quand même assez convivial, familial, si quelqu'un, malheureusement, on vient, on est 10-15, on n'est pas d'Orléans, et puis un qui n'est pas vacciné, qui traîne un peu la patte, comme beaucoup en ce moment aussi, on peut, dans la demi-heure, être pas vacciné, mais on peut avoir son test. Il faut pas que ce soit positif. Bien sûr. Si c'est positif, ça va sans dire. Sinon, on l'emmène. Voilà. Négatif, en tout cas. Pour histoire de passer quand même de bons moments. De bon alors, moment. C'est l'anniversaire, là, aujourd'hui. Alors, c'est le 10e anniversaire, même si ça fait 20 ans que ça existe, comme c'est oui. Tous les deux ans. Deux ans, évidemment. Bah, ça fait, ouais. Et donc, nous avons souhaité, malgré toutes les incertitudes, on a pris toutes les précautions, et là, on peut remercier également la préfecture du Loiret, mmh. Et qui nous a assisté également dans l'organisation de ce festival, concernant toute la partie sanitaire. Alors, à l'honneur, tous les deux ans, il y avait un pays qui est à l'honneur. En 2009, il y avait le Portugal, parce qu'on est sur une radio à tendance portugaise. Il y a eu les Pays-Bas, il y a eu l'Italie, il y a eu la Pologne, l'Espagne, il y a eu l'Angleterre récemment. Tout à fait. Cette année, donc, c'est le 10e anniversaire, pas de pays à l'honneur, si? Eh bien, ils sont tous invités. Ah, d'accord, ok, c'est général. Ah, ben, comme ça. Voilà, ils sont tous invités. Bon, tout le monde ne sera pas là, parce que bon, il y a aussi des problèmes sanitaires dans leur pays. Ça, bien ça sûr. Pose quelques problèmes. Mais sur les 9 qui ont été invités, je crois qu'il y en aura 7 ou 8 qui seront là. Ben, c'est déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ils sont très heureux de venir renouer avec... Et puis ça va leur rappeler l'année où ils sont passés. Ils vont voir également l'évolution du Festival de Loire. En tout cas, un beau festival. On attend du monde. Plus de 700 000 personnes, c'est ce qui est attendu normalement. On attend du monde. On espère tangenter les 700 000 personnes. Mais ça, on le saura qu'à la fin, bien évidemment. Alors moi, j'ai un pressentiment qu'il va y avoir beaucoup de monde. Parce qu'il y a eu un manque, avec, malheureusement, avec ce Covid. Les gens sont peut-être en attente. Oui, vous avez raison, vous avez raison, mais on s'est aperçu malgré tout qu'on a fait une manifestation à Orléans il y a 8 jours maintenant, rentrée en fête, et on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu moins de monde. Alors est-ce que c'est corrélé à ça ou à la rentrée scolaire, je ne sais pas. Peut-être. Dans tous les cas, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait le maximum de familles, maximum de Loiretains, et puis bien évidemment des personnes de l'extérieur. Peut-être qu'on aura moins d'étrangers que les autres années, mais bon, le festival a lieu, tout le monde était un peu dans l'incertitude, et cette incertitude a été levée lors de l'une dernière réunion à la préfecture, il y a une dizaine de jours. En tout cas, du beau monde, il y aura plus de 200 bateaux, des mariniers, plus de 700 mariniers, des artistes, 450 artistes, 150 animations festives. Steve, on attend de belles choses sur ce 10e anniversaire. Bien sûr, on attend de belles choses et les mariniers sont très contents. Il y en a déjà qui sont partis de Nantes et qui remontent la Loire et qui vont arriver. Il y en a d'autres qui sont partis de l'autre côté et qui vont arriver également. Et il n'y a que l'incertitude à la fois du nombre mais également du temps. C'est ça. Mais on croise les doigts et je pense que comme les 9 éditions précédentes, nous avions eu beau temps. Beau temps. Donc on croise les doigts, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est mitigé. Alors, il y a assez d'eau dans la Loire pour accueillir tous ces bateaux, parce qu'il y a eu une polémique. Oui, il y a une petite remontée, là, d'eau. Donc, c'est juste, mais les bateaux passent. Ça passe. Bah, en tout cas, une bonne nouvelle pour tous les mariniers. Voilà. Le développement durable et la biodiversité, à l'honneur, comme fil rouge. Tout à fait à l'honneur, et effectivement, par différents biais, notamment des conférences, des jeux ludiques pour les enfants, les inciter à consommer meilleur, comme on va dire. C'est ça. Et puis également la projection de 4 films au cinéma Pathé, 4 films qui ont trait à la biodiversité. Il y aura des immanquables dans ce festival, des choses qu'il ne faudra pas louper. Enfin, il y aura tellement de choses. Bien sûr, il y aura bien évidemment le jeudi soir avec le grand orchestre symphonique qui va se dérouler à 22h. Le jeudi soir, il y a sur la scène du ponton une soirée organisée par l'Astrolabe, que vous connaissez bien. L'Astrolabe, connaissez bien. Les talents ligériens. Avec 2 artistes. Ouais. Le vendredi soir, il y a le spectacle de bateaux sur la Loire. Ça, c'est le, joli. Hein. C'est joli. Ouais. Le samedi soir, il y a le fameux spectacle pyro symphonique sur la Loire à 22h30. Mmh. Et le dimanche... La parade. La traditionnelle parade de clap, de clôture de cette manifestation. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vrai. Mais on aime la voir, bien évidemment, mais on se dit, on est un peu triste parce que l'événement se termine. Eh ouais, c'est ça aussi. Et on se dit à dans 2 ans. Dans 2 ans, on espère qu'on sera toujours là, mais qu'il n'y aura plus de Covid, j'espère. On espère, on croise les doigts en tout cas, Jean-Pierre. On saura écouter votre... Ma belle parole. Alors comment se passe justement cette organisation? Parce que je t'ai vu sur tous les plans, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, beaucoup de préparation, des techniciens, c'est énorme. Combien de techniciens en gros? Comme j'ai pris la relève de Martine, que je salue au passage, merci. Que l'on salue. Je sais comment on organise les manifestations, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment grandiose, c'est vraiment impressionnant. Mmh. Et heureusement que l'on a des techniciens et puis du personnel de la ville qui est vraiment très très compétent pour c'est vraiment un travail de professionnel. Bien sûr, nous sommes épaulés par les sociétés ETC EVC qui nous accompagnent dans cette manifestation, mais c'est impressionnant. Là ils sont déjà sur le pont depuis 3 jours pour l'installation sur les quais, et ça va jusque dans le détail du détail, parce qu'on peut pas se on peut pas se louper. C'est très important justement, pas se louper. Toi tu te rends sur place tous les jours. Tous les jours. Tu surveilles un tous petit les peu. Jours, j'ai mis mon podomètre pour savoir combien de kilomètres j'avais fait. T'as fait combien hier, en gros, à peu près? J'ai fait 8 kilomètres. Ah ouais, Ah oui, entre les allers-retours des ponts, etc. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc, on va parler aussi d'accessibilité du festival, parce que beaucoup de gens en ont parlé aussi de l'accessibilité aux handicapés, notamment. Alors, l'accessibilité, on essaye. On essaye, bien évidemment, chaque année de s'améliorer. On a eu deux réunions avec les associations. La configuration des berges ne permettent pas un accès. Et permettent un accès, mais relativement encore pas facile. Ouais. Par contre, on a aménagé un parking très très proche, c'est-à-dire accessible, ouais. Très accessible. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il faut être honnête, c'est pas facile d'aménager. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a pas que les personnes en situation de handicap avec des fauteuils. Bien sûr. Ouais. Mais il y a aussi les personnes qui commencent à avoir un certain âge et qui ont des difficultés de mobilité. Et comme les pavés sont en pente et pas très stables. Quand on est en haut, ça va, c'est plat. Mais quand on veut aller sur le bord de Loire pour admirer les bateaux en plus proche ou les animations, c'est vrai que ça pose des problèmes à toutes les personnes. Mais moi, je fais attention de pas tomber. Voilà. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour que ça soit facile d'accès et puis le mieux possible adapté à toutes ces personnes qu'on salue au passage. Alors, des villages thématiques, des guinguettes aussi. Des guinguettes, il y aura 11 guinguettes. Ah, bien. Alors, les guinguettes, ils auront également... Non, la bamboche, c'est fini. Ah, la bamboche, c'est... Ça renaît un peu la bamboche. Heureusement, et on a eu la chance, on a eu un préfet qui a été à l'honneur à cause de ça. Donc, c'est vrai qu'il a fait la une des journées. Elle le fait encore. Je regardais un jeu télévisé sur la une et il y a des pancartes, plage, machin, tout ça, et il y a marqué bamboche. Et beaucoup de gens ont repris ce thème de soirée, pour les guinguettes notamment, la bamboche, etc. Alors plus sérieusement, on salue la préfète si elle nous écoute. On se guinguette. Avec des tables, bien évidemment, pour y manger, se restaurer. Et puis, tous ceux qui vendent des produits locaux, de la bière ou d'autres produits, il y aura 12 endroits où on pourra manger, car il est interdit de boire et de manger debout. D'accord. Ah oui, faut s'asseoir. D'accord. Faut s'asseoir. Parce que quand on est assis, on peut enlever le masque, bien évidemment, pour manger ou pour boire. Ouais, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Compliqué sinon. Par contre, sur le festival lui-même, le masque sera obligatoire. Ah ouais, donc ça, on vous le rappelle. Hein. Ça sera vérifié, comme la police, les agents de sécurité seront là. Voilà, tout à fait. Comme le pass à l'entrée, on aura 5 entrées principales. Les autres entrées sont condamnées, les autres rues sont condamnées, et il y aura des arceaux de comptage qui nous pourront nous dire en instantané le nombre de personnes qu'il y a sur le festival. Et aussi des villages nautiques, on pourra découvrir justement leur activité à tous ces mariniers. Tout à fait, l'activité des mariniers, les métiers d'antan, et beaucoup de manifestations ludiques pour les enfants également. C'est important pour les petits jeunes. Ouais. Oui, on a beaucoup de classes qui se sont déjà inscrites pour venir voir le festival. Le village de Loire, salon de Loire, bien tout sûr, à fait. On parlera de la Loire, heureusement bien d'ailleurs, bien sûr, avec toutes les associations ligériennes qui s'intéressent bien évidemment à la Loire. En tout cas, ce sera le 10e anniversaire, ça va être un grand festival, la clôture alors. Ah, la clôture est effectivement la semi-clôture, parce que le point d'orgue, c'est bien évidemment le samedi soir avec le spectacle pyrotechnique. Bien sûr. Et puis le dimanche après-midi, ce défilé de bateaux qui mettra en action les quelques 220 bateaux qui seront présents. 220 bateaux, parce qu'on parle de 700 mariniers, c'est quand même 700 énorme. mariniers, oui. Et puis ils se couchent très tard, ils se lèvent très tôt, mais ils sont toujours sur le pont. Toujours de grande humeur et toujours de belle humeur, et c'est ce qui fait le charme justement de ce festival. Et moi, j'arrive pas à comprendre, c'est comment on arrive à mettre 200 bateaux sur la Loire. Il y a quand même un kilomètre 200, donc sur un kilomètre 200, et puis il y en a également sur les autres berges de l'autre côté. Donc non, ça pose aucun. Alors rassure-moi, ils arrivent tous par la Loire quand même. Ils sont véhiculés, les bateaux, certains. Non, mais de plus en plus, on essaye de les faire venir par la Loire. Il y a quelques années, il y avait que 2 ou 3 bateaux, et là, normalement, il y a une trentaine de bateaux qui arrivent à plus d'une trentaine de bateaux qui arrivent à intervenir par la loi. Et bon, en tout cas, un beau festival qui arrive. On vous rappelle la date, c'est du 22 au 26 septembre, le 10e édition du Festival de Loire. C'est l'anniversaire. Beaucoup de pays sont invités, le Portugal, les Pays-Bas, l'Italie, j'en passe la Pologne, l'Espagne, l'Angleterre. Le Portugal. Le Portugal. T'es en plein dedans, là. Mon... Alors moi qui suis pas portugais du tout, tu vois, je suis... Moi pas trop non plus, voilà. Mais j'ai beaucoup d'amis portugais et franchement, c'est une... toujours sympa de les, voilà, les rencontrer. Eh ben, je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux, Jean-Pierre. C'est une... Eh bien, moi, j'invite tous les Orléanais, toutes les personnes de la métropole et au-delà des Loiretains, bien évidemment, et au-delà de venir sur le festival. Et tout est pris en compte pour que tout se passe bien, notamment sur le plan sanitaire. Voilà, les animations, il y a le programme que l'on peut voir sur le site de la ville et qui sera distribué également. Mais ça, vous pouvez le voir sur la... Et nous serons très... Orléans Métropole, vous tapez Orléans Métropole, Festival de Loire, vous avez tout le programme. Tout le programme. Voilà, et n'oubliez pas les règles sanitaires, le masque c'est obligatoire, on vous le rappelle, le pass ou le test 72 heures, ou alors sur place. Ou alors sur place, au niveau du Pontina. On pourra faire des tests. Hein, ouais. Voilà, donc ça, c'est un bon programme qui s'annonce. Un bon programme. Et ça va démarrer la semaine prochaine, le 22. Et que la fête commence le 22. Et ben voilà, elle va commencer dès ce matin avec toi. Jean-Pierre Gabel, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. C'est vraiment plaisir. On va faire une petite photo si tu veux pour le site de la radio. Et pas de souci. On souhaite bon courage parce que là tu vas peut-être aller sur le. Oui, je vais y aller. Régler un autre problème, mais bon. Heureusement qu'il y a des problèmes, sinon. Ça serait monotone. Ça fait avancer les choses aussi, les problèmes. Exactement. Merci Jean-Pierre Gabel. Bonne journée à vous et bonne journée à tous les auditeurs. Merci Jean-Pierre Gabel en direct de la radio sur 96.2 FM. On vous a parlé de cette 10e édition du Festival de Loire. C'est du 22 au 26 septembre. Arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro. fiesta. Yo no quiero VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha siempre. Cuántas mujeres él tiene como 20. Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el cloro que se quede con los diamantes y el oro. Que yo soy el lobo. One life, two worlds. English, Spanish. One night, two girls. English, Spanish. Embaraza, que es una locura. Morena, tráeme a un lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero finisher futuro. Embaraza, que es una locura. Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. Allez, Gonzel avec le son caliente, Vanda Sakuduro. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ouais, je vous accompagne au boulot, moi, à la porte du bureau même. Hein. Sur la tangentielle, soyez prudents. Il était sympa, hein, Jean-Pierre Gamel, qui était notre invité aujourd'hui. On a passé un très très bon moment latina. Et puis le son latino qui arrive avec Flavel en Neto, Okelochu, Okelochu. Et puis Victor, dans quelques minutes. Okelochu, cheguei na balada todinho pra derretar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma menina me chamou, disse faz um chuchachá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Menina pro Rio, do Campinho já bombou. No Nordeste as meninas fazem o verão, vai pegar. Avec Flavel Neto, Okelochu, Okelocha. Et puis il sera bientôt notre invité sur la radio couleur. C'est Marquito avec Olo Zetano. Bientôt 9h sur la radio couleur. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou te dizer.